Chapitre 48e. Indignation. Ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est ce qui a poussé cette Osinmanie à passer si délibérément à l'acte. Rarement Dutilleul avait vu Henri Castex aussi outré. Il venait de lui exposer ses conclusions. Un garçon qui avait tant de choses en main, reprit Henri Castex presque pour lui-même. À la rigueur, je dis bien à la rigueur. Je peux comprendre qu'il ait fini par ressentir une profonde colère vis-à-vis de son cousin. Mais de là à éliminer une parfaite innocente, justement, il savait que cela ferait particulièrement mal à Malik Boucharif, parce qu'il le priverait par ce biais de toute possibilité de s'élever socialement. Sans doute, mais cela n'explique pas pourquoi il a pris pour cible Marion Chardy, qui ne lui avait strictement rien fait. Je pense qu'il a dû perdre le contrôle à un moment ou à un autre. Il ne pouvait supporter que son cousin se voie proposer une opportunité pareille. Osinmani devait penser que Malik le méritait d'autant moins qu'il n'était pas sincère dans ses sentiments. Marion Chardy n'était qu'un moyen, pas une finalité. C'est tout simplement abominable. C'est seulement Gravard. Gravard ne pouvait pas faire grand-chose, Henri. Osinmani avait parfaitement planifié son affaire. Rappelle-toi que le crime n'a été découvert que très tardivement et déjà à cet instant, Osinmani était hors d'atteinte. Il faut qu'il revienne, Titi. On ne peut pas laisser un tel crime impuni. Tu as mon feu vert pour ébruiter l'affaire. Peut-être alors qu'Alger, exceptionnellement. Nous prenons du même coup le risque d'informer Malik Boucharif. Peu m'importe, Titi. De toute façon, crois bien qu'il l'apprendra par un biais ou par un autre. Tu connais, tout comme moi, la redoutable efficacité du téléphone arabe. Même si tu t'es montré très propre, quelqu'un finira par le mettre au parfum. Alors sans doute vaut-il mieux que cela vienne de notre côté, ne crois-tu pas? Tu penses donc que je dois le préparer? Oui, c'est mieux. Au besoin, fais-toi accompagner de Jacquier. Il n'est jamais bon d'être seul dans ces cas-là. Tu penses qu'Alger va accéder à notre demande? De toi, moi, je ne le pense pas. Et c'est bien ce qui me dégoûte. On peut dire que le coup a été bien monté. Là où la France perd un assassin froid et calculateur, l'Algérie gagne un brillant avocat. Non, Titi, il ne faut pas se leurrer. Nous ne le reverrons plus. Il est mort, Dutilleul. Je vous jure bien qu'il est mort. Malik Boucharif était fou de rage, et trois gardiens parvenaient à peine à le maîtriser. « Pourquoi a-t-il fait ça ?» ne cessait-il de hurler. « Il n'avait pas le droit, pas Marion !» Dutilleul ne disait rien. C'était inutile, dérisoire. Il avait redouté la mission qu'Henri Castex lui avait confiée, c'était bien pire que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Malik Boucharif se montrait enfin sincère dans son chagrin. Le coup porté par Osinmani l'avait atteint à l'endroit où cela faisait le plus mal, l'orgueil. Il avait réussi là où tant avait échoué avant lui. Il était parvenu à le briser net. Dutilleul pensa amèrement que la victoire était totale, ce qui ne faisait qu'accroître son malaise. Malik Boucharif était à terre, et des larmes teintées d'un désespoir infini coulaient sans retenue. Il devait se repasser sans cesse le fil des événements, le fil de ses erreurs, toutes ces années pendant lesquelles il avait tenu aussi une manie pour quantité négligeable. La voix n'était plus la même. C'était celle d'un petit garçon qui ne parvenait pas à comprendre. Dutilleul sentit qu'il faudrait beaucoup de temps à Malik Boucharif pour digérer ce qu'il venait de lui apprendre. « Comment peut-on grandir auprès d'une enflure pareille sans s'en apercevoir ? Il était si... Putain ! Il était mon frère ! Sur ma mère, il était celui que j'aimais le plus. Il était tout ce que j'aurais voulu être. Je ne lui ai jamais rien fait, bien au contraire. Sans doute, pensa Dutilleul in petto. Mais cela n'avait pas empêché que l'enfant rempli de rancœur devienne serpent et frappe à son tour. Je vous jure, Dutilleul, je ne comprends pas pourquoi il a fait une saloperie pareille. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa tête? Bien sûr, si j'avais su... Mais je vous jure que je ne pouvais pas me méfier. Douter de Hossine, ça aurait été comme douter de mon père. J'avais tellement confiance. Pour moi, il était le meilleur. Je le citais toujours en exemple. J'étais fier de lui. Rien, vraiment, ne vous a alerté? Je vous le jure, sur ma mère. Pour moi, c'était un mec clean, bien, qui en voulait et qui s'en donnait les moyens. Il me faisait un peu rire, car c'était un pétochard de première, mais pas plus que certains que je connais et qui ramènent constamment leur grande gueule. Cela ne vous a pas paru curieux qu'il veuille soudain rentrer au pays? Malik Boucharif parut soudain se calmer un peu. « C'est que, à vrai dire, je n'ai pas trop pris le temps d'y penser. Maintenant que vous m'en parlez, oui, je trouve cela un peu étrange. D'autant plus qu'il avait un vrai métier en main. Ne pouvait-il pas faire jouer certaines relations pour obtenir une bonne position au pays ?»« Pas par l'intermédiaire de l'oncle, en tout cas. Il a peut-être un gros magasin qui lui permet de régner sans partage sur le village entier, mais cela ne va pas beaucoup plus loin. Je sais qu'il va à la ville de temps à autre, mais de moins en moins. » Car il est comme tout le monde, il vieillit. Vous avait-il fait part de son intention d'y retourner un jour? Non. De toute façon, on ne parlait jamais du pays. Vous comprenez? On ne peut pas regretter ce que l'on n'a jamais connu et quand on voit les nouvelles à la télé. Sa mère lui manquait, peut-être? Oui, c'est possible. Mais il n'en a jamais parlé. Je me sens vraiment con du tilleul. J'ai toujours pensé qu'on partageait tout, alors qu'en fait, j'ai grandi à côté d'un étranger. Je lui disais tout, lui ne me disait rien. Il se contentait d'écouter poliment. Je pensais vraiment que j'étais comme un frère pour lui. Dans la réalité, je m'aperçois aujourd'hui qu'il n'en était rien. Il devait bien s'en foutre de mes histoires. Il pensait sûrement que je n'étais qu'un bouffon. C'est sûr, il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Il m'a vraiment baisé en beauté. Je n'ai rien compris. Et je ne comprends toujours pas. Pourquoi, Marion? Il l'a juste aperçu une fois quand il m'a aidé à porter cette télé de malheur. Je vous jure, du tilleul, je n'ai rien vu venir. Vous comprenez, il est exactement comme d'habitude. Pourquoi j'aurais dû me méfier? Que s'est-il passé exactement? Malik Boucharif explosa à nouveau. Les trois gardiens demeurés dans la pièce se tenaient prêts à intervenir, mais du tilleul leur intima l'ordre de ne pas bouger. Il ne se sentait pas en danger et d'un autre côté, il était sain que Malik Boucharif exprime sa colère. De grosses larmes dégoulinaient sans discontinuer. Du tilleul avait en face de lui l'enfant que Malik Boucharif, malgré les années écoulées, n'avait jamais cessé d'être. Un enfant charmeur, profondément gentil, qui ne mesurait jamais vraiment la portée de ses bêtises. Nombreux avaient été les juges à le lui reprocher, voire à penser que ce n'était qu'une posture de défense. Aujourd'hui, plus que jamais, du tilleul aurait aimé avoir ces mêmes juges à ses côtés pour leur montrer la réalité des choses. À cette minute, il pouvait témoigner qu'il n'y avait plus aucune comédie dans l'attitude de Malik Boucharif. Brahim Boucharif avait raison sur toute la ligne. Malik Boucharif n'était qu'un incorrigible candide. Du tilleul ne sut trop comment celui-ci finit tout de même par se maîtriser et parvint à lui répondre. Que puis-je vous dire? Ils faisaient la gueule tous les deux. Marion, je comprenais un peu pourquoi, mais j'avoue que je n'ai pas fait trop attention à Ossine. C'est vrai que j'étais comme hypnotisé par cette maudite télé, et je me fichais bien du fait qu'Ossine se tienne à l'écart ou non. Je savais vaguement qu'il était au boulot sur un dossier assez chaud. J'ai cru qu'il était un peu stressé. Je lui ai juste dit que j'avais besoin de lui et que cela le détendrait un peu de ne pas bosser comme un dingue. Que vous a-t-il répondu? Comme d'habitude, pas grand-chose. Ce n'était pas un bavard. Il m'a juste promis qu'il serait là. Il ne vous a demandé aucune explication? Non, mais je vous l'ai dit, ce n'était pas dans sa manière de poser des questions. Le jour dit, je lui ai rapidement présenté Marion. Il l'a à peine salué. Ensuite, on est allé au magasin. Dès le départ, Ossine a décidé de rester en retrait. Ce qui faisait visiblement flipper le vendeur. Vous l'avez remarqué? Ouais, j'ai comme un sixième sens pour ça. J'ai tout de suite senti qu'il ne m'avait pas la bonne, ce qui tombait plutôt mal, vu que, avec Marion, je devais jouer serré. Une fois rentré chez Marion, combien de temps a duré l'installation? Environ 4 heures. Mais aussi, il est reparti très vite. Il n'est pas resté plus de 20 minutes. Il a juste accepté le jus d'orange que Marion lui proposait. Donc, vous ne savez pas ce qu'il a fait après? Non. C'était un grand garçon. J'ai pensé qu'il était rentré chez lui. Qu'aurait-il pu faire d'autre? A-t-il parlé avec Marion? Du tilleul voyait que Malik Boucharif essayait désespérément de ranimer ses souvenirs. Oui, sans doute, mais en fait, je n'en ai aucune idée. Vous comprenez, les branchements de la télé étaient compliqués et cela prit une plombe avant d'obtenir une bonne image. Je ne pourrais même pas vous dire ce que Marion faisait pendant tout ce temps. De l'autre côté, je vous le jure, je ne pouvais pas me méfier. C'était tellement banal, cette histoire de télé. Il n'y avait bien que Bérel pour en faire une telle maladie. Car même Marion... Non, répliqua froidement Dutilleul, ne comptez surtout pas sur moi pour vous suivre sur ce terrain. Marion s'en moquait éperdument. Son emploi du temps ne lui offrait guère le loisir de regarder la télé, et cela, nous le savons tous les deux. Toutefois, ce n'est pas le plus important. Personne ne vous a jamais mis en garde contre Ossine. Brahim s'en méfiait comme de la peste, et il ne s'en cachait pas seulement. Pourquoi ne pas l'avoir écouté? J'ai toujours pensé qu'en dépit de ses défauts, votre frère était un assez bon juge des comportements. C'est que... Malik Boucharif rougit joliment. Ah, je vois. Vous n'avez rien voulu entendre. Vous pensez votre frère trop rempli de colère pour pouvoir juger sainement. Qu'est-ce qu'il a alerté? Je n'en ai aucune idée. Il est bizarre, Brahim. Il déconne. Il vous fait tordre le bide et puis soudain, il devient sérieux. Il vous dit alors des choses. Parfois, souvent, c'est utile. Mais il m'a toujours fait un petit peu peur parce que, même s'il est court sur pattes, il possède une sacrée force. D'un autre côté, j'avais d'autant moins de raisons de me méfier d'Ossine qu'il ne créchait plus avec nous. Il avait son studio. Soudain, Malik Boucharif sembla se calmer et poursuivit d'une voix froide. Je le crèverai, dit-il, c'est obligé. Je trouverai un moyen. Je connais des mecs au bled. Il suffit de glisser un billet, pas même un gros. Je le ferai saigner comme le porc qu'il est. Et je veillerai à ce que le crime soit signé. Je veux qu'il paye pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il nous a fait. Il n'a jamais manqué de rien. Il était l'un des nôtres. Pourquoi, alors, a-t-il trahi? Dutilleul choisit de partir à cet instant. Il ne pouvait en entendre davantage. Lui aussi, un jour, souhaitait connaître les motivations qui avaient poussé Ossine Mani à commettre un crime aussi affreux. Mais pour ce qui était des projets de vengeance de Malik Boucharif, il ne voulait rien en savoir.